celestial sky, take over the precious stones that you'd like to buy. Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis ravie de vous retrouver pour partager ces prochaines minutes bonheur. Tous les mardis à 8h et 13h30. Et aujourd'hui, si nous prenions le temps de suivre en toute confiance notre boussole intérieure, qui n'a jamais eu l'impression de savoir quel chemin emprunter ou de ressentir que ce que l'on s'apprête à faire n'est peut-être pas une bonne idée? C'est ce que l'on appelle l'intuition. Les neurosciences le confirment, l'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. Elle se cultive, se travaille et s'aiguise au quotidien. Herbert Simon, chercheur en sciences cognitives, sociologue et économiste américain, ayant reçu le prix Nobel de l'économie en 1978, résumait ainsi le fonctionnement de l'intuition. La situation fournit un indice, cet indice donne à l'expert un accès à une information stockée dans sa mémoire, et cette information à son tour lui donne la réponse. L'intuition ne serait rien moins que de la reconnaissance. En nous permettant d'être en phase avec nous-mêmes, l'intuition facilite la synchronisation entre ce qui nous est extérieur et notre intériorité. Monde social, univers des émotions au sens pratique, notre intelligence intuitive est au service de recherches constantes d'une harmonie entre ces trois pôles. Du degré plus ou moins élevé de cette harmonie dépend de notre perception du bonheur et notre capacité à nous sentir heureux. Laisser s'exprimer notre intelligence intuitive ouvre plus facilement les chemins de la reconnaissance, de la connaissance intime, de nos états intérieurs où résident justement les clés de notre bien-être. Pour le philosophe allemand Schopenhauer, elle était la marque de fabrique de toutes les œuvres de génie. Einstein, lui, la définissait comme une sensation au bout du doigt. Pour vous et moi, elle est une petite voix intérieure qui conseille. Même si son origine demeure mystérieuse, les neurosciences reconnaissent aujourd'hui qu'elle peut être un allié non négligeable pour nous faciliter la vie. L'intuition est une faculté à la portée de tous. Nous sommes tous à l'écoute de notre corps lorsqu'il a faim ou sommeil. Nous répondons à ce ressenti en mangeant ou en dormant. Notre corps s'exprime physiquement, il réagit, et ce pour ses besoins physiologiques, comme à sa perception de ce qui l'entoure. Notre intuition, elle aussi, se manifeste physiquement, et c'est à ces signes que nous devons prêter attention. Qu'elles se traduisent agréablement comme par la détente du plexus solaire ou au contraire désagréablement comme un nœud dans l'estomac, l'intuition est une conviction immédiate, aussi profonde qu'irrationnelle. La connexion entre le corps et l'esprit se révèle souvent être sans faille, sous réserve d'y être attentif et de ne pas se laisser parasiter par la peur de l'erreur ou du jugement. Éduquer votre sens de vision. On l'aura compris, développer son intuition, c'est apprendre à écouter le langage de son corps. Mais pour que les signaux transmis soient captés, il faut que l'esprit soit libre, disposé à recevoir et à accepter. Pour ce faire, il serait bon de pratiquer un art martial spirituel ou le yoga, par exemple. Nous pouvons également travailler notre sens de l'observation. Pour se fier à notre intuition, on pourrait noter ses premières impressions lors d'une rencontre professionnelle ou personnelle et vérifier au fur et à mesure de la relation si les premiers ressentis étaient les bons. Ces pratiques se rejoignent dans une seule et même voie, faire sauter les verrous de sa conscience et laisser le champ libre à son esprit. Nous constituons au fil de notre vie une banque de données sensorielles qui évolue sans cesse au gré de nos expériences. Plus on y est connecté, plus notre capacité intuitive est développée. Cette certitude intérieure construite à partir de nos besoins et ressentis s'avère parfois une précieuse boussole orientée vers notre bien-être personnel. Lorsque nous sommes confrontés à un choix difficile, ou une situation confuse. Des exercices de relaxation et d'introspection pratiqués régulièrement peuvent vous aider à laisser place à votre voix intérieure. Soyez à l'écoute de vos besoins profonds sans chercher à apporter des réponses rationnelles. Prenez le temps de laisser mûrir ce qui vient de plus loin. Vous serez surpris du cheminement intérieur qui se mettra en place. Certains scientifiques sont formels, méditation et intuition sont intimement liées. Selon eux, la première donne accès à une cohérence cardiaque qui favorise la connexion à l'inconscient et aux émotions en augmentant les ondes cérébrales. En pratique, la méditation peut être à se livrer dans un lieu calme et confortable, à des exercices de respiration profonde, par exemple une inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes, 3 ou 4 fois par jour pendant 5 minutes. C'est ainsi que l'état de conscience s'élargit, que le stress diminuerait et que nous serions plus réceptifs au discours de notre voix intérieure. Et si l'on testait une journée 100% intuition ? Se mettre à l'écoute de son intuition, c'est donc capter ses messages, agir en se laissant guider. Et le pas n'est pas toujours facile à franchir car nos résistances sont aussi nombreuses que tenaces. Pour lever ces inhibitions sans se mettre en danger, il est conseillé de pratiquer la politique des petits pas. Cet exercice constituerait à expérimenter une journée totalement guidée par notre intelligence intuitive. Premièrement, choisissez de préférence un jour de la semaine où vos obligations sociales et professionnelles sont réduites. On évite de se mettre en situation de conflit intérieur et de faire supporter les conséquences de notre décision à notre entourage. Une fois la journée choisie, laissez toute cette journée se dérouler sans faire appel à votre logique ni à votre mental, ni à vos habitudes. Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. prêtez une grande attention à votre ressenti émotionnel. N'hésitez pas à prendre des notes, cet exercice vous permettra d'affiner votre perception et de renforcer votre confiance en vous. Essayez de vous offrir régulièrement une journée intuition de manière à vous familiariser avec ce mode de fonctionnement. Et voilà, je vous laisse profiter de votre journée. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous mettre en pratique l'écoute de votre intuition. En attendant, je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine.